change pour moi. Dès que tu m'ouvres les bras, le soleil que j'y découvre n'est plus pareil. On dirait que c'est un autre soleil. Ma tête tourne si bien quand ton épaule me tient. Et la nuit quand tu me berces, j'ai tant de joie. On dirait que c'est un autre que moi. Mes dimanches dans ce monde, ce sont tes mains. Leur douceur me récompense si bien. Mes beaux rêves dans ce monde, ce sont tes yeux. Ils inondent mes vacances de bleu. Le monde change pour moi dès que tu m'ouvres les bras. Et les heures dans ce monde sont si jolies que je veux y passer toute ma vie.